الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله d'abord je vous annonce la bonne nouvelle que notre cher Yahya, حفظه تعالى, est revenu aujourd'hui de son voyage de Saoudia. Et que cela s'est bien passé pour lui. Et on espère que les causes qu'il a entrepris pour sa guérison, car il était malade depuis un bon moment, mais comme il était bloqué à Demedj à cause des Rafidans depuis bien longtemps, il ne pouvait en sortir, ne serait-ce même pas pour le Hajj ou le Umrah. Donc là, il a saisi l'occasion de pouvoir faire ce qu'il avait à faire, de pouvoir adorer son Seigneur, de pouvoir rencontrer les savants, de pouvoir régler certains détails qu'il avait à voir. Et là, bifadlillahi ta'ala, il nous est revenu aujourd'hui. Donc de là, Inch'Allah, on espère qu'un grand khed pourra se poursuivre ici à Sana'a, et peut-être par la suite, si Allah nous permet d'avoir notre merkez en un autre endroit. Masallallahu min fadli. Ensuite, maintenant nous allons poursuivre dans le hadith, qui est le fameux hadith de Jibril. Comme nous l'avons dit, qui est un hadith qui recoupe les fondements principaux de la religion. Nous avions cité le début du hadith, qu'il s'agissait de Yahya ibn Yarmar et de Humayd ibn Abdurrahman, qui avaient entendu des gens à Basra parler sur le destin, dont le premier à avoir lancé cette bid'a de nier le destin était Ma'bad al-Juhani. Donc ils se rendirent auprès de Abdullah ibn Omar en vue de le questionner, qui a eux recherché la science parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleures personnes de cette, on va dire, de l'humanité après les prophètes et les messagers. De là, il leur informa la fausseté de cette parole, qu'il s'agissait là de mécréance, et prit comme preuve pour sa parole le hadith que lui rapporta son père, Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, dans lequel nous allons poursuivre aujourd'hui. Donc toujours dans les questions posées par Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, de l'explication, « Ya Muhammadu, akhbirni an al-Islam. » Donc, « Ô Muhammad, informe-moi sur l'Islam. » D'abord, l'Islam, pour savoir sa définition, yani shal'an dans la législation, qu'il s'agit de « Al-Istislamu lillah bil-tawhid wal-nqiyadu lahu » Qu'il s'agit de quoi? De se soumettre totalement à Allah par le tawhid, de se laisser mener par lui dans son obéissance, et du désaveu du shirk et de ses gens. Il ne suffit pas de se désavouer du shirk seulement, mais aussi de ses adeptes. Naam. Et l'islam, comme il est connu, est de deux catégories, al-khas ou al-am. L'islam qui est général et l'islam spécifique, particulier. Le général, c'est celui par lequel sont venus tous les messagers, alayhis salam, car tous étaient des musulmans. Tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ont appelé à l'islam, au tawhid. Et le khas, l'islam particulier, spécifique, c'est celui par lequel est venu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la dernière législation acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les autres législations des messagers précédents, à cette heure, n'est plus valide. À cette heure, n'est plus valide. La croyance est la même, mais les rites diffèrent. Les rites de notre islam à nous actuel, qui est celui qui est accepté par Allah, inna dina indallah l'islam, c'est la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Celui-là, c'est le khas, l'islam particulier, qui a abrogé les autres religions. Il y a ni les rites des autres religions. Inch'Allah, cela va venir dans l'explication du hadith. Donc il dit, Shir Yahya poursuit en disant, Hada al-istifsaru istadallu bi ala annahu yajuzu lisaili an yas'ala liqasd ifadat al-akharin. Wa kanu yafrahuna an ya'ti al-arabi fa yas'alu liyastafidu. Donc, le fait que Jibril demande en détail ses questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela a été pris comme preuve qu'il est permis aux questionneurs de demander à autrui à un point alors que lui-même en a connaissance en but d'en informer les autres. Car Jibril alayhi salam connaît tous ces points sur lesquels il interrogeait le prophète Mohammed sallallahu alayhi salam. Mais le but en cela, lui, était de faire profiter à ceux qui étaient assis autour de lui d'écouter. Donc de là, il est permis à une personne qui a réponse à une question de tout de même de poser cette question au savant ou à son enseignant en vue que tout le monde puisse écouter la réponse et de faire profiter les gens. Naam. Jibril sa'ala li ifadati al-akharin wa ta'lim adab talab al-ilm. Donc il est venu, Jibril, pour faire profiter les autres et enseigner le comportement de la recherche de la science. هذا الحديث من أوسع الأدلة في آداب طالب العلم. ونظيره حديث طيب. Donc ce hadith, est-ce qu'il y a de plus large dans l'épreuve qui démontre le comportement du talib al-ilm? Ce hadith enseigne comment se comporter dans la recherche de la science pour l'étudiant. ونظيره حديث أبي كعب في قصة موسى مع الخضير عليه السلام والحديث في الصحيح. Et également sont semblables comme hadith, celui qui est rapporté par Abi ibn Ka'b dans l'histoire de Moussa al-Khadir, alayhi salam, lorsque Moussa se rendit auprès de Khadir en vue d'apprendre de lui une science qu'il n'avait pas lui. Quel Khadir, c'était aussi un prophète. Sur la parole la plus juste, c'est quel Khadir, alayhi salam, était aussi un prophète. Et de là, notre chir souvent nous faisait profiter, ou souvent cela lui est déjà arrivé dans ses cours, de citer comme preuve dans le comportement que le talib, l'étudiant, doit avoir envers son enseignant, dans l'obéissance et le respect, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où dit « قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَا تَّبِعُكَ لَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا إِلَى قَوْلِهِ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا » Dans le sens rapproché, où Moussa alayhi salam dit à Khadir, il lui dit « Puis-je te suivre en vue que tu m'enseignes de ce qui t'a été enseigné comme droiture. » Et l'autre verset qui est dans le sens, tu me trouveras, si Allah le veut, patient, je ne te désobéirai en rien. Donc de là, on voit quoi? Que le talib al-ilm, déjà, demande la permission à son enseignant, pour prendre de lui, de prendre la science. Et également, qu'il doit être patient sur ce qui lui arrivera, et qu'il ne désobéit pas à son enseignant, bien sûr dans ce qui est ma'louf, dans le convenable, ce n'est pas dans l'absolu. Car là, Al-Khadir, c'était un prophète. Donc, il est clair que dans la retransmission de la révélation, il sera infaillible. Il sera infaillible. Donc de là, il ne faut pas le désobéir. Cependant, nous, à notre degré, si demain on a un savant, ou un talib, un enseignant parmi les étudiants, qui nous enseigne, l'une des meilleures façons de se comporter avec lui est d'écouter ce qu'il a à nous dire, et de suivre ses directives, et de lui obéir dans ce qui est convenable, bien sûr. Car le prophète Mohammed a dit « La Torah al-Makhlouk fi marsiyati al-Khaliq » qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Donc de là, obéir au savant ou à l'enseignant n'est pas dans l'absolu, mais lui obéir dans ce qui est convenable et ce qui est légiféré. Ensuite, il poursuit en disant « Al-ta'alimu imma an tariq su'al wa imma an tariq ilqa al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam » كان يلقي على أصحابه بعض أسئلة ليعلمهم وإما أن يكون بالفعل كما قال خذوا عني مناسككم وصلى على المنبر ليراه الناس ويتعلموا صلاتهم. Donc il dit l'enseignement peut être fait par le biais de questions. Par exemple, l'enseignant pose une question en espérant avoir une réponse d'un des étudiants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a souvent fait avec ses compagnons. Il leur pose des questions en vue de voir la réponse. Et également, l'enseignement peut se faire par le biais de cours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avec ses compagnons, afin de leur enseigner. Et également, cela aussi peut avoir lieu par la gestuelle, par les actes. Comme il l'a dit, prenez de moi vos rites, c'est-à-dire pour le hajj. C'est-à-dire, regardez-moi comment je fais, ensuite, appliquez, agissez de la sorte. Et également, qu'il accomplisse une salat sur le minbar, afin que les gens le voient, et qu'ils apprennent sa salat. Naam. Donc, les questions, les durus, et les gestuels, l'acte en lui-même, sont des voies pour enseigner. Qawluhu fa'akhbiruni an al-iman. Ou fa'akhbirni an al-iman. Donc, sa parole, informe-moi au sujet de la foi. Al-iman. Donc, le shir dit, su'el. Là, d'ailleurs, le chien lui-même applique ce qu'il a dit. Maintenant, il pose une question. Su'el, ma huwa al-imanu 'inda ahli sunnah? Quelle est, on va dire, la définition de la foi, ou quelle est la foi chez les gens de la sunnah? Jawab, la réponse. Al-imanu 'indahum nutq bil-lisan, wa i'tiqad bil-qalb, wa 'amalu bil-jawarih. Donc, la foi, c'est le fait de le prononcer par la langue, de le proclamer, d'avoir la croyance dans son cœur, la conviction. Et d'agir avec les membres et d'agir, d'appliquer avec les membres. Et qu'également, la foi augmente avec l'obéissance et les actes d'adoration, tout comme elle se réduit avec les désobéissances et les transgressions. لقول الله تعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم وقوله تعالى وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا donc qu'ils se rajoutent de la foi à leur foi et que ceux qui croient se rajoutent de la foi de l'iman. Donc ces deux versets prouvent que la foi augmente. Il y en a d'autres. Preuves sont citées sur le fait que la foi augmente et descend. Chien ne nous a pas tout cité car c'est un résumé comme on vous l'a dit. وفي الصحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أدنى الإيمان وأضعف الإيمان. Donc il a dit صلى الله عليه وسلم celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change par sa main et que s'il ne peut pas alors par sa langue et s'il ne peut pas alors par son cœur. Et cela est le plus bas degré de la foi. Ce qui prouve que la foi, elle a un degré bas et un degré haut. Su'al, autre question. هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان? Est-ce que les actes sont considérés comme faisant partie de la foi? Jawab, la réponse, نعم. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Donc la réponse, oui, les actes font partie de la foi, pour preuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens relatif et rapproché, et Allah n'était pas tel à vous faire perdre votre salat. Et certes, Allah est miséricordieux et pardonneur envers les hommes. Donc là, le but c'est la salat. Et la salat est un acte. La salat est un acte. Wa fi sahihayn min hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وإماتة الأذى عن الطريق عمل وهو داخل في مسمى الإيمان. Donc dans le hadith rapporté par Abu Huraira que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la foi est d'une soixantaine 60 et quelques, on va dire 60 et quelques branches. La plus haute, c'est la parole de La ilaha illallah. Et la plus basse, c'est le fait de retirer les obstacles dans les rues, dans les chemins. Et la pudeur est une branche de la foi. Donc cela prouve quoi ? Imatatul azan etalik, le fait de retirer les obstacles des lieux de passage, cela rentre dans la foi. Et cela est un acte. Ensuite, il dit, donc, fa'a'laha, tayyib, le plus haut degré de la foi, qul la ilaha illallah. Donc, cela également prouve quoi de le hadith? Comme on l'a dit dans le ta'lif de l'iman, qul, al qul bilisan, le fait de prononcer. Ensuite, on a dit quoi? Al-irtiqad bil qalb. Tayyib, al-irtiqad bil qalb. C'est-à-dire que, en fait, les actes internes rentrent dans la foi et la preuve, Al-haya shurbatun min al-iman. Car la pudeur, c'est un acte. Yani la pudeur est une chose qui se trouve dans le cœur. Elle réapparaît sur le corps, bien entendu, mais c'est une chose enfouie à l'intérieur du cœur, ou du corps. Et ensuite, ce qui prouve que les œuvres, les actes, rentrent dans l'iman, comme il a dit, imatatul adha an at-tariq, le fait de retirer les obstacles du lieu de passage. Thumma yaqul. والإيمان له بشاشة لحديث أبي سفيان المتفق عليه وذلك الإيمان حين يعني lorsqu'il a dit تخالط بشاشته القلوب. Donc la foi également a un certain engouement. طيب, une gaieté, une joie, comme le prouve la parole du prophète صلى الله عليه وسلم où il dit lorsque son engouement se lie au cœur, en parlant de la foi, et dit lorsque son engouement, l'engouement de la foi, rentre ou se mélange au cœur. Et également, il dit, wal imanu lahu alamat, et la foi a des signes, des points distinctifs par lesquels on la remarque. Les hadiths, la preuve, c'est le hadith. Alamatul iman, hub al-ansar. Wa alamatul nifaq, bud al-ansar. Donc les signes de la foi sont l'amour envers les ansar, les auxiliaires, ceux qui ont accueilli les muhajirin. Et alamatul nifaq, les signes de l'hypocrisie, sont le fait, c'est le fait de détester les ansar, d'avoir de la répulsion envers eux. Cela est un signe de quoi? D'hypocrisie chez la personne. Il y a d'autres preuves. Mais également, en comparaison à cela, par rapport à la bid'a, que parmi les signes de la sunna, comme l'a dit l'imam Al-Bahbahari dans son livre Sunna, il dit que parmi les signes des gens de la sunna, qu'ils aiment les gens de la sunna. Donc si tu vois une personne qui se dit des gens de la sunna, parler mal en eux, ou du moins parler mal envers eux, et mal se comporter envers eux, cela est un signe qu'il ne les aime pas. Donc il ne fait pas partie d'eux, dans son apparence. Et bien sûr, on parle dans ceux qui savent, car des fois, quelqu'un peut se faire tromper, parler sur une personne, pensant qu'elle n'est pas parmi les gens de la sunna, qu'elle n'est pas salafi, alors tel n'est pas le cas. Mais celui-là, le jour où il se rend compte qu'il s'est trompé, qu'on l'a dupé, et qu'il a injustement parlé sur son frère, ou sa sœur, ou n'importe qui, il doit s'excuser, faire tawba, et rattraper. Mais celui qui perdure, et qui continue alors que l'argument lui a été donné, celui-là, cela démontre que dans son cœur, il y a quelque chose envers les gens de la sunna. Et on parle le fait de parler sur les gens de la sunna par rapport à leur manhaj. Pas par rapport au fait que tu en as un, il a des défauts ou des manques dans son comportement. Ça, c'est autre chose. Là, on parle par rapport au manhaj suivi. Naam. Tayyib. Ensuite, le shir dit Wal imanu lahu ta'amun, les hadiths. Et la foi a un goût. Tayyib, la foi a un goût. Comme le prouve le hadith Zaku ta'amil iman man radia billahi rabban. Et le goût. Tayyib, le goût de la foi. C'est pour qui aura agréé Allah comme Seigneur. Celui-là, il aura goûté à la foi. Vous voyez, il aura goûté à la foi, à la saveur de la foi. Comment dire, à la saveur en âme. Ou al-imanu lahu halawa. Et la foi a une douceur. Mais là, le sens douceur, c'est dans le sens comme une sucrerie. Quelque chose d'agréable, doux. Et la preuve, c'est le hadith. Salafun. Man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Donc trois choses, celui qui les aura en lui aura goûté à la douceur de la foi. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma sawahuma. Que Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que quiconque. Wa an yuhibba al-mar' la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'd an ankazahu Allah minhu kama yakra an yukzafa fil nar. Donc parmi les signes yani de la douceur de la foi, du moins celui qui aura goûté la douceur de la foi, c'est aussi celui qui n'aimera une personne s'il ne l'aime, il ne l'aime que pour Allah. Et également qu'il aura détesté de retourner dans le kouf après que Allah l'en ait sauvé, tout comme il détesterait être jeté au feu. Le hadith muttafaqun alayh. Su'al akhar, autre question. Hal mumkinun an yakuna musliman wa ma 'indahu shay'un min al-iman. Donc est-il possible qu'il soit musulman sans ne rien avoir en lui comme foi d'iman? Là, c'est une masala que Cheikh veut évoquer pour dire est-ce que tout musulman est mu'min? C'est de là qu'il va en venir. Donc il dit, Jawab, la réponse. La Bouddha min al-Iman, il est obligatoire, il est impératif ou il est incontournable d'avoir de la foi pour le musulman. Wal imanu minhu a'la wa minhu adna. Et la foi a ce qui est le plus haut, ce qui est supérieur, ce qui est inférieur, ce qui est plus bas. Walaysat hadhi ta'alifu mutaradifatan. Ma hiya mutaradifa. Lakinnaha darajat islam. Ou iman ou ihsan. Donc il dit par contre ces définitions, qui sont celles de la foi, celles de l'islam et celles de l'ihsan, comme cela va venir, ne sont pas de même échelon. Elles ne sont pas de même rang. Elles ne sont pas synonymes. Mais elles sont plutôt différentes, de différents niveaux. Par exemple, il y a l'islam, c'est un niveau. L'iman est un niveau au-dessus. Et l'ihsan, c'est le niveau le plus haut. Fahad al-hadith ou shamala arkan al-islam wa arkan al-iman wa rakn al-ihsan. Donc ce hadith regroupe les piliers de l'islam qui sont 5, ceux de l'iman qui sont 3, et celui de l'irsan qui est un seul, comme cela va venir. وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلَيْهُ عَنْدَوْ إِيمَانٍ. Il n'existe pas de muslim sans qu'il ait quelque chose de la foi en lui. وَلَوْ أَصْلُ الْإِيمَانِ. Ne serait-ce que la base de la foi. أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Que les bédouins ont dit, nous avons cru. Dit, vous n'avez pas encore cru. Cependant, dites, nous nous sommes soumis. car la foi n'est pas encore entrée dans mon cœur. Au fil hadith, Sa'd ibn Abi Waqqas, dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi ya Rasulullah, ma ara fulanan, ma arahu ila mu'minan, en parlant d'un homme. Il dit, oh Rasulullah, je ne le vois que comme étant un croyant, cet homme-là. Pour moi, c'est un croyant. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a repris en disant trois fois, oh musulman, ou plutôt musulman. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié de lui qu'il soit un mu'min, un croyant, mais a affirmé qu'il est un mu'min. C'est-à-dire que dans le hadith, du moins le hadith laisse apparaître qu'il y a une différence entre un mu'min et un musulman. Que le musulman n'est pas forcément mu'min. Après, le chien explique ce qui est voulu par là. Al-maqsoudu bizalika, qalat al-a'rab amanna, kullam tu'minu. Que la parole d'Allah, quand les bédouins ont dit nous avons cru, dans le sens, alors tu vas rapprocher ou dit les bédouins ont dit nous avons cru, dit vous n'avez pas encore cru. C'est-à-dire, hey, lam yuqwa al-imanu fi kulubikum. Lam yuqwa al-imanu fi kulubikum. Qu'en fait, la foi, n'a pas encore été renforcée dans vos cœurs. Elle n'est pas encore forte. Elle ne s'est pas encore ancrée dans vos cœurs comme il faut. Hey, lam yatakammal wa illa fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi la yadkhulu al-jannata hatta wallahi la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshihu al-salama baynakum. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par Allah, vous ne rentrerez jamais au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Tant qu'il n'y aura pas d'amour entre vous. Ne vous démontrerai-je pas une chose que si vous la faites, vous vous aimerez entre vous? Propagez le salam entre vous. Propagez le salam entre vous. Wa qala alayhi salatu wa salam, il a dit également, Qad aflaha man aslam, wa ruzika kifafa, wa kana'ahu Allahu bima ata'ahu. Donc, certes, a réussi celui qui s'est soumis. Man aslam. Taïeb, il n'a pas dit man aman. Man aslam. Et dont, qu'il lui a été octroyé une suffisance de ce qui lui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il se contente de ce que Allah lui a donné. Donc, celui qui a ça, il a ça de réussi. Celui qui s'est soumis et qui se contente de ce que Allah lui a octroyé, celui-là a ça de réussi. Wa qal, sallallahu alayhi wa sallam, la tatrouli djenna illa nef muslima. Que nous entrerons au paradis qu'une âme muslima. Fadalla ala anna al-muslim mu'min. Donc cela prouve que le mu'min, ou le muslim, afwan, c'est un mu'min. Pourquoi il a dit quoi là? La tatroul al-janna ila nafs muslima. Il n'a pas dit mu'mina. Mais muslima. Une âme soumise. Liannahu lan yatroul al-janna ila bil iman. Car il est clair qu'il ne peut pas entrer au paradis ce n'est avec la foi. Donc, en liant les hadiths entre eux, le muslim a forcément en lui une chose de la foi. Même si elle est basse, il a un minimum de foi en lui. On ne peut pas dire qu'un muslim n'a rien comme foi en lui. C'est là que le shérif va en venir. Donc il se peut qu'il soit fort dans sa foi, ou il se peut qu'il soit faible. Également un point à évoquer entre le mot islam et le mot iman. L'islam, quand il vient tout seul, lorsqu'il est tout seul, l'islam englobe l'islam ou l'iman. Les deux ensemble. Et l'iman pareil. Lorsqu'on dit l'iman tout seul, cela englobe l'islam et l'iman. Cependant, lorsque les deux sont cités, alors là, il diffère. L'islam représente les actes apparents et l'iman représente les actes intérieurs. Hein? L'islam tout seul, c'est l'islam et l'iman ensemble. L'iman tout seul, c'est l'islam et l'iman ensemble. Mais quand les deux sont séparés, l'islam c'est les actes extérieurs. Ce qui est voulu par l'islam, c'est les actes extérieurs. Et ce qui est voulu par l'iman, c'est les actes intérieurs. Non. Ensuite, qu'ouluhu wa bi kutubihi. Et sa parole, c'est livre. Le fait, c'est de dire, un tu'mina bi kutubi. Que tu crois en ce livre, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni bil Qur'ani, wa bil Torah, wa bil Injil, wa Zabur Daoud, wa Suhuf Ibrahim wa Moussa. C'est-à-dire, le Qur'an, et la Torah, et l'Injil, celui qui est appelé aujourd'hui évangile, et Zabur Daoud, ce qui est eux, les chrétiens, ils appellent les psaumes, wa Suhuf Ibrahim wa Moussa, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Tous ces livres proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une chose aussi que Shir là, ou en islam, nous ne connaissons que ces livres-là, qui ont été nommés dans le Coran. Cependant, il y a d'autres livres dont nous n'avons pas connaissance. Pourquoi? Car l'origine chez le messager, c'est qu'il vient avec un livre. L'origine, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala envoie un messager, il lui donne un livre. Comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. Donc nous avons certes envoyé nos messagers avec les preuves, et nous avons descendu avec lui le livre et la balance afin que les gens se tiennent sur l'équité. Naam. Donc de là, on sait que les messagers viennent avec un livre. Ça c'est l'origine. Naam. Ensuite il dit, le shir, en parlant de ce livre-là, les cinq cités précédemment, وَلَكِنْ تِلْكَ دَخَلَهَا التَّحْرِيفِ. Cependant, ces livres-là ont été modifiés. Ils ont été altérés. وَمَا حُرِّفَ مِنْهَا فَيْنُوْ مَمْسُوْرٍ. Et ce qui a été altéré de ces livres, cela est abrogé. Cela est nul. وَلَّفَ السَّخَاوِي الْأَصْلُ الْأَصِيلِ فِي تَحْرِيمِ النَّقْلِ مِنِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. وَيَذْكُرُونَ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ وَلِلذَّهَبِ مَبْحَثٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي تَرْجَمَةِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ وَأَيْضًا تَرْجَمَةُ كَعْبِ ابْنِ مَاتِعٍ كَعْبِ الْأَحْبَارِ مِنْ سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَنبَغِي التَّهَوُّكُ عَلَى تِلْكَ الْكُتُبِ. Donc il dit que Sakhawi a écrit un livre qui s'appelle Al-Asl Asil fi Tahrim Naql min al-Tawrat wa al-Injil. Un livre qui stipule qu'il n'est pas permis de rapporter des choses provenant de la Torah et de l'Injil. Et il était dit que ce livre est parmi ses livres à lui. Et également, Zahabi a une recherche sur ce sujet dans sa biographie qu'il a écrite de Amr ibn al-As. Et il dit également qu'il ne faut pas rapporter des choses de leur livre. Cela n'est pas convenable. On n'a pas à se baser là-dessus. Donc de là, le shir dit, voilà, ce qu'il vient de dire là, en fait, qu'il ne convient pas de rester perplexe et d'aller regarder dans les autres livres afin de savoir ce qu'il en est pour notre religion. C'est ça son but. Qala ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim. Il ne leur a-t-il pas suffi que nous ayons descendu sur toi le livre qu'il aurait récité? وقال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. Et nous avons descendu sur toi le rappel afin que tu démontres aux gens ce qui leur a été descendu, il se peut qu'ils réfléchissent. وهذا قوله وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليهم فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. Donc, et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Donc, juge parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Que ce verset démontre que le Coran est venu abroger les livres antécédents. Les livres précédents ont été abrogés tous par le Coran. Et ça, la parole, hein, muhaymin, c'est-à-dire ce qui est venu pour abroger ce qui l'a précédé, le Coran. Al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, yadhabu ila an ashar man qablana laysa shar'an lana. Et Shafi'i dit que la législation de ce qui était avant nous, des précédents, n'est pas valable pour nous. Wa hadha wa as-sawab, et telle est la parole véridique. Wa harrarahu aydan ibn Qudama fi Ar-Rawda. Qu'Ibn Qudama également en a parlé dans son livre Ar-Rawda. هَذَا وَالصَّوَابِ أَنَّ شَرْ مَنْ قَبْلَنَا لِيْسَ شَلْعَنَنَا. Que la législation des gens qui nous ont précédés, des autres communautés, n'est pas valable pour nous. وَأَنَّ عَنْدَنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا يَكْفِي. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. Donc telle est la parole véridique, que le livre d'Allah nous suffit, ainsi que la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, pour preuve de la parole d'Allah dans le sens relatif et rapproché. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Vous voyez ? Donc il n'y a que l'islam qui a accepté. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Et celui qui recherche autre que l'islam comme religion, cela n'est pas accepté de lui. إِنَّ دِينَ عِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Et certes, la religion qu'Allah, c'est l'islam. Donc cette religion-là est la dernière, celle qui a abrogé toutes les autres. Et également là-dessus, il y a un détaillé, c'est vrai qu'il y a une divergence sur le fait, est-ce que les législations précédentes nous concernent ou pas. Et la parole authentique, c'est qu'elles ne nous concernent pas. Si on trouve un texte qui coordonne avec une preuve du Coran de la Sunna que nous devons, à propos d'un rite ou d'une chose, que nous avons une preuve que celle-ci rentre dans l'islam, alors oui. Sinon, on n'agit pas en conséquence. Demain, quelqu'un apprend des chrétiens ou des juifs qui font telle chose, telle ou telle chose, et qu'on n'a rien dans notre livre qui le contredit, on n'a pas à le prendre non plus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tu kitab, car le prophète, il a dit, ne croyez pas les gens du livre, ni ne les démentez. C'est-à-dire, à propos des choses, on n'a pas de preuves. Car des choses, on a des preuves claires que cela n'est pas vrai, ou la chose a été abrogée, ou qu'elle a été déformée, et d'autres choses, on n'a pas de texte qui confirme ou qui dément. Donc le osl, c'est qu'on reste sur le fait que c'est une chose qui est inconnue pour nous, donc on n'a pas à l'appliquer. La législation des gens d'avant nous n'est pas valable pour nous. Qawluhu wa bi rusuli, et sa parole de croire en ses messagers. Allazi yakfuru bi rasulin wahidin yakunu qad kafara bi jami'il mursalin. Que celui qui mécroit en un seul messager aura certes mécru envers tous. Tous les messagers. Qala ta'ala kadzabat thamud al mursalin. Et Allah dans le sens il dit que Thamoud ont démenti les messagers. وَهُمْ كَذَّبُوا رَسُولًا وَاحِدًا. Alors que ne leur est venu qu'un seul messager. Cependant, à partir du moment où tu en démens un seul, tu les as tous démentis. لَكِنْ تَكْذِبُهُ ذَلِكَ الْوَاحِدُ صَارُوا مُكَذِّبِينَ لِجَمِيعَ الْمُرْسَلِينَ. قَالَ تَعَالَى كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ. Également, dans le sens que Ad ont démenti les messagers. قَالَ تَعَالَى كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَكِيَةِ الْمُرْسَلِينَ. Et que les gens de Akia ont démenti aussi les messagers. وَقَالَ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Et que les gens de l'Hijr ont aussi démenti les messagers. وَقَالَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Et que le peuple de Noé, alayhi salam, ont démenti les messagers. Vous savez tous que Noé est le premier messager envoyé aux gens de la terre. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, a parlé au pluriel, et Mursalin, a employé le pluriel, alors qu'il est le premier messager, pour dire qu'en démentir un équivaut à les démentir tous. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Que certes, ceux qui ont mécru en Allah et en ses messagers, et qu'ils veulent diviser entre Allah et ses messagers, et qu'ils disent nous croyons en certains et nous mécroyons en d'autres, et ils veulent prendre par cela un chemin, c'est-à-dire intermédiaire, ceux-là sont réellement les mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un dur châtiment. وَقَالَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. Et le messager a cru en ce qui lui a été descendu de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous croient en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers. Et ne divisent entre rien, entre aucun de ses messagers. Donc celui qui croit en messager doit croire en tous. قَوْلُهُ وَالْيُمِ الْآخِرِ. Et sa parole, croire au jour dernier. الْيُمِ الْآخِرِ مِنِ الْقَبْرِ وَمَا بَعْدَهُ. Que le jour dernier commence à partir de quoi? De la tombe. Jusqu'à ce qui vient par la suite. الْقَبْرِ أَوَلْ مَنَازِلِ الْآخِرَ. Et que la tombe est la première demeure de l'au-delà. مَنْ نَجَى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ. Et celui qui en est épargné, ce qui viendra par la suite, lui sera plus facile. وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ. Et celui qui n'en est pas épargné, la suite sera plus difficile. Pourquoi du hadith في الصحيح المسند لشيخ مقبل رحمه الله تعالى qui est le hadith de Othman ibn Affan رضي الله عنه. Et également, il ne faut pas confondre entre fitnat al-kabr ou azab al-kabr. Vous voyez, entre l'épreuve de la tombe et le châtiment de la tombe. Fitnat al-kabr, c'est lorsque les deux anges descendent près du serviteur et l'interrogent au sujet de son Seigneur, de sa religion, et de cet homme qui leur est envoyé, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que azab al-kabr, c'est pour celui qui n'aura pas passé la fitnat al-kabr, ou qu'il aura passé, mais qui était parmi les gens qui méritent un châtiment. Donc tout croyant, ou plutôt tout humain, sera éprouvé dans la tombe, à part les martyrs, et à part les shohada. Tout le monde sera interrogé. Par contre, azab al-kabr, le châtiment de la tombe, celui-là reviendra à celui qui le mérite seulement. وَقَوْلُهُ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرْ خَيْلِهِ وَشَرِّهِ. Que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. جَابْ زِيَادَ أَيْدَانْ وحلوي ومري. Qui est également un ajout qui est venu dans une autre version où il dit et son côté doux ou amer. Doux ou amer. ذكرها الحافظ لا شك أن من القدر قدر خير وقدر شر بالنسبة للعبد et qu'il n'y a pas de doute que dans le destin il y a ce qui peut être bon ou mauvais par rapport au serviteur lui-même. وإلا فإن الله عز وجل ليس الشر ليس إليه car auprès d'Allah il n'y a pas de mal. Pour Allah cela n'est pas considéré comme étant un mal. أي لا يصعد إليه ولا يتقرب به إليه كما ذكر النووي بما عاني هذا الحديث في شرح صحيح مسلم وقد يكون شرا بالنسبة لما حصل للعبد. Donc il dit que le mal, quand le hadith la yusadu ilayhi, il y a un hadith qui dit la yusadu ilayhi, c'est-à-dire que le mal ne monte pas vers lui, ou plutôt afwan, al shar laysa ilayhi, que le mal ne lui revient pas. Non, afwan, je reviens à ce que j'ai dit, trompé, le hadith est al shar laysa ilayhi, que le mal ne revient pas vers lui. Cela est expliqué par deux points, comme l'a dit Nawawi, dans le Sharh Muslim, il dit, c'est-à-dire que le mal ne remonte pas vers lui, comme les bonnes actions. Le mal n'est pas comme une bonne action qui remonte vers lui. Ou également, le mal, on ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala des actes d'adoration par le mal. Cependant, ce qui arrive au serviteur, à ses yeux, peut être un mal. Mais auprès d'Allah, ce n'en est pas un. Mathalan, un exemple. Demain, il t'arrive une chose, une épreuve. Par exemple, tu perds un proche. Cela est toujours douloureux pour la personne. Et peut-être aperçu comme étant un mal. Seulement le croyant sait que Amr al-Mu'min kulluhu lahu khayr, que l'affaire du croyant, tout est bien pour lui. Tout ce qui lui arrive n'est qu'un bien. Même si c'est un mal, cela peut être pourquoi? Pour l'élever en degré ou lui effacer des péchés. Cependant lui, celui qui a une foi basse ou qui est un ignorant, peut ne pas se rendre compte de cela. Il voit la chose comme étant un mal pour lui et s'en plaindre. Et cela n'est pas permis. Se plaindre et se révolter contre ce que Allah a prédestiné à son serviteur, cela n'est pas permis en religion. Mais Allah, il sait, s'il éprouve son serviteur pour une chose, c'est qu'il y a un bien derrière. Mais cela lui revient à lui. Car, comme cela a été venu, Al-Qadar, Sirullah, le destin, c'est le secret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est une chose qui nous dépasse, dans laquelle il n'est pas conseillé de trop s'approfondir. On prend les points venus sur les hadiths et les ayats qui en parlent, sans trop chercher le pourquoi du comment. Cela dépasse la raison de l'humain. Le Qadar est un sujet sur lequel mieux vaut éviter de trop s'approfondir de peur, car cela nous dépasse. Vraiment. Mais des livres ont été écrits dans le kutub de l'Aqidah, comme Tahawiya, Al-Wasatiya, ou Tadmouriya, ou d'autres, où ils parlent du Qadar, la foi à voir, ce qu'il faut croire au Qadar, ce qu'il faut savoir, et se limiter à cela, et ne pas chercher à aller trop loin. Qawluhu qala sadaqta. Qala fa'akhbirni an al-ihsan. Donc sa parole, tu as raison. Donc informe-moi de l'ihsan. الإحسان قد يكون بين العباد وقد يكون في العبادة كما هو مبين هنا. Donc l'ihsan, l'excellence, la bienfaisance, peut avoir lieu entre les serviteurs entre eux, les uns envers les autres, ou cela peut avoir lieu dans les adorations, comme cela est éclairci dans le hadith. الإحسان إلى الوالدين, par exemple, la bienfaisance envers les parents. الإحسان في القول, d'avoir des paroles bienfaisantes. الإحسان في الفعل, d'avoir des actes bienfaisants. قال تعالى لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, pour vous éprouver, pour savoir qui est le meilleur en œuvre parmi vous. On a le shahid أحسن, يب أحسن. وقال تعالى وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, et soyez bienfaisants, car certes Allah aime les bienfaisants. وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَدِلَّةِ الْمُرَاقَبَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, et ce hadith est aussi une preuve que Allah nous surveille, il voit tout ce que l'on fait. Et de là, الْإِحْسَان, celui qui l'a vraiment ressenti et l'applique, أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَيَنَكَ تَرَاهُ فَلِمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, que tu adores Allah comme si tu le voyais, et qui sait mais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Celui qui agit, qui réalise le hadith, se verra vraiment yani, d'une droiture honorable. Un exemple, une personne qui viendrait à être employée dans une entreprise. Il aurait un poste où il serait confié de l'argent, ou des choses de valeur, des bijoux ou autre chose. Son employeur lui dirait que si jamais il vole cela, il se ferait renvoyer ou il y aurait des restrictions qui seraient prises à son encontre. Bien sûr, on connaît l'être humain comment il est. Inna an-nafs al-ammaratun bisu, que certes l'âme pousse au mal, incite au mal. Lui, il n'a pas peur de son employeur. Et à la moindre occasion, il tentera de le doubler. Car son but est d'amasser le plus de bien possible en ce bas monde. Car son employeur est une personne qui peut être présente ou absente. Il ne voit pas tout. Donc quand l'employeur il passe derrière lui, lui, il fait les choses bien, il se tient bien. Mais dès que l'employeur s'en va et qu'il n'y a pas de collègue, personne qui le voit, qu'est-ce qu'il va faire? Tenter de subtiliser les biens. Cependant, s'il savait que, par exemple, une caméra était braquée sur lui et que tous ses faits et gestes étaient enregistrés, quand je dis ça, je ne dis pas que la caméra s'est autorisée. Hein. C'est juste un guise d'exemple pour que les gens arrivent à concevoir, là où je veux en venir, que celui qui se sent surveillé derrière lui et que ses faits et gestes sur surveillance, qui se comportera bien. Cet employé, à partir du moment où il sait qu'il est filmé, il ne tentera pas de voler. Car il sait qu'il sera dévoilé. Donc de là, à plus forte raison, le serviteur par rapport à son seigneur, qui sait que Allah voit tous ses faits et gestes, tout ce qu'il fait, qui réalise que lorsqu'il parle, lorsqu'il bouge, lorsqu'il pense, lorsqu'il ressent, que Allah sait tout, et qu'il peut être récompensé ou puni pour ce qu'il aura fait, cela l'aidera, une chose qui le poussera à faire les choses convenablement. L'irsen, la bienfaisance. Celle qui est citée dans dans ce hadith. Naam. Ensuite, il dit, قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. Informe-moi sur l'islam. فأخبره بأركانه وأخبره بأركان الإيمان وركن الإحسان. Donc Jibril l'a informé sur les piliers de la foi, du moins les piliers de l'islam qui sont cinq, comme on l'a dit. Sur ceux de la l'Iman qui sont trois, et ceux de l'Ihsan qui sont, du moins qui n'est qu'un seul. فمراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان. Que les niveaux de la religion sont les trois. L'islam, l'Iman et l'Ihsan. Naam. Ensuite il dit, قوله فأخبرني عن الساعة. Donc informez-moi de l'heure. وفيه ذكر الساعة وأنه إذا كان جبريل لا يعلمها ولا يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم فأجدر أن لا يعلمها غيرهما من المخلوقين. Donc il dit, là déjà dans cette parole-là, on parle de l'heure dernière. Et que si Jibril ne la connaît pas, ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne la connaît pas, alors plus forte raison que autre que parmi les créatures ne la connaissent pas. قال الله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها. Et il t'interroge au sujet, c'est-à-dire de l'heure, comme si tu en savais quelque chose. وقال يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكرها لربك منتهاها. Il t'interroge sur l'heure, quand est-elle? Et toi, quand sais-tu? C'est auprès de ton Seigneur que se trouve le savoir, c'est-à-dire de l'heure. Quand est-ce qu'elle arrivera? خمسون لا يعلمهن إلا الله ومنها لا يعلم متى تقوم الساعة. Donc le hadith, cinq choses qui ne sont connues qu'auprès d'Allah. Et parmi elles, ces cinq choses-là, personne ne sait quand est-ce que l'heure aura lieu, si ce n'est Allah. Wallahu yakul, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayi ardi tamut. Et que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens qu'aucune âme ne sait ce qu'elle fera demain, et qu'aucune âme ne sait en quelle terre elle mourra. Et la akhir adillah. Et où, parmi les adillah, les preuves. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله وهي ستقوم في الجمعة ولكن الله أعلم أي جمعة. Donc personne, voyez, ne sait quand est-ce que l'heure aura lieu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un hadith qui stipule qu'elle aura lieu un jumu'ah, un vendredi, mais personne ne sait quel vendredi. Et un autre hadith également cite qu'elle aura lieu après le fajr, que les animaux l'attendent, tous sont en frayeur de cette heure-là, le vendredi au fajr. ثم قوله فأخبرني عن أمارتها. Donc informe-moi de ces signes, c'est-à-dire les signes de l'heure. قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَتُ رَبَّتَهَا. Que la servante mette au monde sa maîtresse. وَهَذِي الْعَلَامَاتِ مِنْ عَلَامَاتِ الصُّغْرَى. Et que ces signes sont parmi les signes mineurs, les petits signes de l'heure. أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا تُكْسِرُ السَّرَارِ فَيَتَزَوَّجُ الْإِنسَانُ سَرِيَتَهُ وَهُوَ حُرٌّ. فَتَنْجِبْ بِنْتًا مِنْهُ فَتَصِيرُ حُرَّةً وَأُمُّهَا رَقِيقَةٌ فَتَكُونُ الْبِنْتُ سَيِّدَةَ أُمِّهَا وَرَبَّهُنَا بِمَعْنَى السَّيِّدَةَ. Donc il dit quoi parmi les explications de ce hadith? Comment la servante mettra au monde sa maîtresse? Que la plupart des savants disent que c'est le fait qu'il y aura beaucoup de détenues femmes après les guerres, ce genre de choses, que l'homme auront des servantes détenues, et que ces servantes leur mettront au monde des femmes. Et comme cet homme, en lui-même à la base, est libre, alors la fille qui lui viendra de cette servante sera elle-même libre. Donc ça veut dire que la fille sera libre, alors que la mère, elle, est une servante. Donc la fille sera la maîtresse de sa mère, dans le sens. Et également, parmi les explications données par rapport à ce hadith, un talid al-amat rabbataha, également dû à la mauvaise éducation, que les enfants se rebelleront sur leurs parents, à tel point que c'est les parents qui obéiront aux enfants. Ce sont les parents qui se retrouveront à obéir à leurs enfants, à leurs propres enfants. Et ça, c'est une chose qu'on voit aujourd'hui chez beaucoup de la communauté ou même autres, dû à la gratitude des enfants et à la faiblesse des parents devant eux, que beaucoup se font dominer dans leur maison par les enfants. Donc cela aussi est une explication de ce hadith. Mais la plus répandue est la première, celle de la servante, que la servante de l'homme lui mettra au monde une fille et que celle-ci deviendra la maîtresse de sa mère. Naam. Wa qawluhu an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a'isha yatatawaluna fil bunyan. Que tu vois les va-nu-pieds et dénudés et les pauvres bergers de troupeaux se concurrencer dans les bâtisses et édifices, dans les maisons. هذا يدل على كثرة المال في آخر الأزمان. Cela prouve qu'il y aura beaucoup d'argent à la fin des temps. وأن هؤلاء الأصناف يتطاولون في البنيان لما عندهم من المال. Et que ces catégories de gens cités plus haut se concurrenceront dans la construction d'édifices pour l'argent qu'ils auront en leur possession. فيه أن الإخبار عن صفات إنسان ليست عيبة. Que le fait de décrire une personne, des gens, cela n'est pas du riba. وليس قد حن إذا كان على صفة التعريف بمن هذه الصفة. Et que cela n'est pas une offense envers la personne s'il s'agit de quoi? D'une vraie caractéristique se trouvant chez la personne afin de la décrire, pour parler d'elle. Les causes et التعريف لا للتنابز. Dans le but de quoi? De parler d'une chose pour la décrire et non de donner des surnoms, des sobriquets, de se moquer. هذه الأمارات والعلامات المذكورة في هذا الحديث هي الصغرى وليست الكبرى. Et que ces signes cités dans le hadith sont les signes mineurs, les petits signes, et non les grands, car les grands n'ont pas encore eu lieu. فيه أن كثيرا من العرب يحبون غري الأغنام حتى اشتهروا بذلك. Et également que beaucoup des Arabes aiment garder des troupeaux à tel point qu'ils ont été connus pour cela. قوله أتدري من السائل. Sa parole, sais-tu qui est le questionneur? أيضاً هذا من اختبار الطالب من باب التعليم فقط. Et que là également on trouve quoi? Le fait de questionner l'étudiant juste pour le tester, tester ses connaissances. وقوله الله ورسوله أعلم. Et sa parole, Allah et son messager sont plus savants. هذا في الزمن حياته. Cette parole-là n'était valable que de son vivant, صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Mais après sa mort, صلى الله عليه وسلم, il lui était dit, comme dans le hadith du Haud, du bassin, lorsque des gens viendront pour y boire, il dira Ummati, Ummati, qui seront refoulés, il lui sera dit إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Certes, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ce qui prouve que le prophète صلى الله عليه وسلم ne sait pas tout. طيب. فلو سئلت الآن كم قيمة هذا الكتاب وأنت لا تعلم لا يصلح أن تقول الله ورسوله أعلم. Donc si aujourd'hui tu es interrogé sur le prix d'un livre dont tu ne connais pas la valeur, il ne convient pas à ce que tu dises Allah et son messager sont plus savants. ولكن تقول الله أعلم. Juste tu te contentes de dire Allah أعلم. وحتى في أمور الشرعية الأولى ترك الزيادة. Et également dans les choses qui touchent à la législation, il est meilleur de ne pas dire Allah et son messager sont plus savants. Juste, tu te contentes de dire Allah a'lam. Car des savants, comme Cheikh Othaymin, rahimahullah ta'ala, eux ont fait un détaillé sur la question, que tu peux le dire si cela concerne les choses de la religion. Mais les choses de tous les jours, les choses quotidiennes, comme l'exemple du livre par exemple, là, faut pas le dire. Mais Cheikh, lui, rahimahullah ta'ala, il voit que tu ne le dis ni pour l'un, ni pour l'autre. Et sa parole paraît comme étant la plus juste, se basant sur le hadith, إِنَّكَ لَتَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ. Naam. Donc de là s'achève l'explication brève et résumée de notre shir. Donc là nous avons fini le hadith en gros de Jibril alayhi salam. On a qu'on a dit « Alhamdulillah, Rabbil Alamin ».